près de Jean-Marc, c'est ta gloire. Tant d'années à nous guider, tant de masse à aimer. À ce nous voilà tous. Deux. Pour faire comme tu.